Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Indila. Passez une bonne soirée et bienvenue à un nouveau Planète Rap en ce mercredi soir avec Indila. Comment ça va? Ça va, super, merci. La semaine avance tranquillement, petit à petit. Exactement. Vers la réédition de l'album, c'est le 17 novembre. C'est pas ce lundi qui arrive, c'est celui d'après. Exactement. 17 novembre, mais par contre, en précommande, on peut y aller, on peut cliquer tout de suite. Voilà. Tout prêt. La réédition de l'album Mini World, on va saluer Skalpovic qui est là parmi nous. Hello, ça va bien? En pleine. Bah écoute, pas mal, non? Allez, ça fait plaisir. Passe vite, hein. Oui, ça passe très vite, la semaine passe très vite en effet, tu as raison de le préciser. Et ce soir, il paraît que vous êtes venu avec une surprise, même plusieurs surprises. Une surprise humaine, vivante on va dire. Exactement. En chair, en os et en voix. Exactement, et puis une surprise dans ma poche, dans une petite clé USB. Voilà. Un petit extrait peut-être d'un des titres inédits. Exactement, du son, voilà. Mais là, comme je te connais, que t'es un peu pince, Skalpovic, tu vas mettre... Ah non, je suis généreux, tu vas mettre un court extrait. Ah ça c'est pas faux, ouais. C'est voilà, pas faux. Non, pour faire languir les gens et surtout voilà, il y a des gens qui vont se diriger vers l'album. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils découvrent tout l'ensemble parce que ça fait partie d'un bloc. Voilà, c'est normal. Donc là on aura un court extrait tout à l'heure. Exactement. On présente l'invité tout de suite ou après le replay d'hier soir? Bon, on va laisser un... Un petit replay d'hier soir. On va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. On va peut-être faire une petite énigme pour faire réagir les gens. Et... Alors, l'énigme, vas-y. Bah, écoute, hein, c'est une lettre de l'alphabet, voilà. Excellent. Mais il a combien? Allez-y, proposition 41759, le quelle hashtag lettre de l'alphabet. Indila sur Skyrock. Notre invité, on le découvre dans un instant, juste après le replay d'hier soir. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est parti pour le Planète Rap avec Indila. Bonsoir, bienvenue. Comment ça va, Indila? Eh bien, écoute, comme un mardi, ouais. Tout va très très bien. C'est-à-dire le mardi, toi, généralement, la semaine a repris. Voilà. Donc c'est détendu. On est dans le move. Voilà, ce serait l'expression du jour. Planète Rap. Je ferme les yeux et je m'imagine sur un nuage ou sur une île. Il y aura du stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Faut déterminer, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job, mais tu finiras l'enlé, you l'enlé, you l'enlé. Planète Rap. Tu as eu le temps de mettre sur le net toutes les reprises de tes morceaux? Non, sincèrement non, mais j'en ai vu pas mal. T'en as vu quelques-unes? J'en ai vu pas mal. Et bon, déjà, je vous passe le sentiment qu'on peut avoir quand les premières fois qu'on découvre ce genre de vidéo. En disant, oh, quelle merde. Non, du tout, mon Dieu. Non, du tout, loin de là. Non, au contraire, c'est très, très, très c'est touchant. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment très touchant. Puis j'écoute la bouche ouverte, hein, vraiment, jusqu'à la fin, je rate rien. Tiens, nous, on a fait un petit medley avec deux, trois morceaux, justement, deux, trois reprises. Si on cumulait des milliers de vues et des millions, si on cumule ces trois morceaux ensemble, tiens, écoute et tu nous dis ce que t'en penses juste après. Planète Rap on Skyrock. Ah ouais? Ah, je connaissais ça. Elle est pas mal celle-là. Ça s'appelle Donia. Mais ils refont carrément la prod, quoi. C'est dingue. Très oriental. Ouais. Bon, t'en connaissais 2 sur 3. 2 sur 3, vous voyez que je mentais pas. Hein ouais. C'est super bien produit, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Je suis bluffé. Ils reprennent les arrangements et ils ramènent des idées. Limite, on se dit merde, pour la scène, on pourrait les jouer comme ça aussi. Donc, c'est vrai. Bravo. Indila, tu es prête? Yes. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. C'est parti en live maintenant. Dernière danse, Indila. Danser toutes vos souffrances. Dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde. Et je remue ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Vient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vole, vole, vole, vole. Je vole. Voilà. Voilà ce qui s'est passé hier soir, une soirée chargée encore avec Indila. Ah, chargée, j'espère, merci, j'espère que c'était agréable en tout cas pour les auditeurs. Et c'est pour... toujours agréable de te recevoir. En plus, c'est vrai qu'on est bien avec ta voix, tu nous envoies, tu nous emportes. C'est gentil. On est calme. Ah, ça change des planètes rap. D'ailleurs, notre invité pourra témoigner puisqu'il est maintenant un invité récurrent, il vient régulièrement dans l'émission. C'est un habitué. Avec des ambiances parfois différentes. Mais c'est ce qui fait son charme. Et c'est ce qui fait son charme. Bon, on y va, on le présente. Un vrai dreamer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, un dreamer, c'est vrai. Un dreamer. Exactement. Celui qui a lancé cette idée du dream. Tout à fait. Il y a plusieurs années maintenant. Ben ouais. Bah, je te laisse présenter notre invité, Indila. Alors, c'est un invité que j'apprécie énormément. C'est un invité pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'estime. J'adore son artistique. Je trouve que c'est un grand artiste. Je me dis juste vite. Il me tarde qu'on le découvre davantage et qu'on sache vraiment ce qu'il a à l'intérieur de lui, parce que c'est juste excellent. C'est la 8e lettre de l'alphabet. Ah. Il y a un indice supplémentaire. Si je compte bien. H. Magnum est là avec nous, monsieur H. Magnum. Yes. Dreamer parmi les dreamers, comment va? Ouais, ça va super. Ça fait super plaisir d'être là, entouré de Indila, Scalpo, et sincèrement, je suis super content. Eh ben, nous aussi, on est content de te recevoir. Ouais, je suis honoré. Parce que c'est un mec qui bosse dur en ce moment. On m'a dit qu'il bossait dur. Je te confirme. Là, on est à fond, enfermé aussi. En studio, voilà. C'est toi qui as signé le premier son, enfin le premier extrait de Gotham City. Gotham City, idem. Idem qu'on a découvert il y a quelques semaines. Il y a un clip aussi, Allez Maté. Allez Maté sur YouTube, très très lourd, et sincèrement c'est un honneur d'être côté d'Indila, qui est une grande chanteuse, et c'est le futur. Il sait pas que c'est moi qui ai l'honneur de le recevoir. Non, vraiment. Non. Bon, on va discuter toute la soirée. Ça peut durer longtemps. Et je suis autant ravie, vraiment. Alors votre rencontre à tous les deux, c'est quoi? C'est par Scalp aussi? Oui, vous savez. Scalp, souvent, il est à l'origine de plein de choses. De plein de rencontres. Mais oui, bien sûr. C'est un carrefour. Voilà, c'est le carrefour, exactement. Mais tu l'as connu il y a longtemps, donc H. Magnum, il y a un petit moment. Ça fait un petit moment, Ça fait un petit moment, et j'ai, pour être tout à fait sincère, j'ignorais en fait qu'il avait autant de compétences. Moi, je savais pas. Donc, je me suis pris quand même une belle raclée. Il s'est rappé, il s'est chanté. Il s'est rappé, il s'est chanté, il compose, il écrit des, bien sûr. J'ai de la batterie. Du coupé décalé, attention. Voilà. Ah ouais, ok. Il a vraiment une fibre artistique qui me plaît beaucoup. C'est un artiste qui a une sensibilité particulière, et je sais pas comment vous dire, mais je me sens très proche de sa façon de voir les choses. Voilà, moi je me sens très proche de lui. Ça, pas mal, non? Là, normalement, je peux rentrer. Mais tu vas rester quand même un peu. Non, je reste, mais sincèrement, c'est pareil, c'est vraiment plaisir. Et Indila, c'est une révolution, tu vois. C'est vrai, c'est une révolution à elle toute seule, et pour être validée par elle, c'est mieux que des validations. Alors peut-être que je commence un peu tôt, mais est-ce qu'il y aura une rencontre entre vous deux qui est programmée? Musicalement parlant, je parle parce que là, la rencontre on l'a, mais musicalement parlant, sur un album, sur... L'avenir nous le dira, mais moi en tout cas j'adorerais. Moi j'adorerais. Et moi je dis, si ça se fait, ça va être très lourd. C'est tout ce que je peux dire. Mais bon, voilà, on verra. C'est un peu tôt. On verra l'avenir. En tout cas, Scalpo est là, donc c'est lui qui gère. Bon, on écoutera ton morceau. Je parle à la prod. Bien sûr. En tout cas, il y a déjà un morceau qu'il a géré qui s'appelle Idem, qu'on passera d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Ah. C'est un beau morceau, un celui-ci. Un superbe morceau avec Il doit bien t'emporter, toi aussi. Toi qui adore ça, justement. Oui, moi j'ai adoré tout de suite. Vraiment, l'orchestration est géniale. Son texte, c'est très deep. Et puis c'est vraiment à l'image d'H. Magnum. À travers ce titre, je pense qu'on peut vraiment comprendre l'artiste qu'il est. Et Idem à découvrir, si vous le connaissez pas encore, on passera avant 21h. On fera un petit quiz, Indila. J'ai prévu un petit quiz pour toi ce soir. Ah là là, ça me fait grincer les dents, moi, à chaque fois. Peut-être que tu pourrais être opposé à H. Magnum. Ah, d'accord. Ah, pas mal. C'est un quiz tous les deux. Parce que tu sais qu'Indila a beaucoup voyagé ces derniers temps. Ah ouais, c'est vrai. Elle était numéro 1 dans plein de pays, en Europe, un peu partout dans le monde. Grèce, partout. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est un indice. Dans un instant, on fera ce quiz avec Indila. Et là, on débute avec Run Run. Ok, c'est parti. Allez, coup d'envoi du Planet Rap d'Indila, Run Run sur Skyrock, qui s'extrait du Mini World. Prends le temps d'aimer les choses simples de la vie. Tu run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Tu run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Je ferme les yeux et je m'imagine sur un nuage ou sur une île. Y'aurait ce que je veux et je serai tranquille. Je ferai les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. Run Run à l'instant sur Skyrock, le morceau extrait de l'album d'Indila, Mindy World. D'ailleurs, tu nous le disais, je sais pas, c'est ton morceau. Ouais, c'est dire Run Run. Run Run, ça me fait penser à moi. Il se correspond. Ouais, il nous parle beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et on le disait en début de semaine avec Indila, mais pourquoi autant courir? Exactement. Pourquoi? C'est ça, c'est ça. Réalisons, réalisons simplement les choses. Réalisons que le bonheur est là, il est là. Ouais. Il faut juste pas très loin. Pas très loin. Garde le bonheur, ce serait dans le studio, tu le sens, Chilbin? Ouais, c'est vrai. Le bonheur est là. Le bonheur est là. On est apaisé. On va voir si vous êtes épanoui avec ce petit quiz que je vous ai préparé ce soir. Alors attention. Ouh. Tu nous le disais en début de semaine, t'as beaucoup voyagé. En tout cas, le morceau et puis l'album a beaucoup voyagé. C'est juste. Donc on a été se plonger dans les différents pays que tu as pu voyager. Mais il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Tu vas écouter des extraits. Il va falloir deviner de quel pays cet extrait. C'est un morceau qui est classé parmi les meilleures ventes. Qu'on a pris dans les différents pays que tu as pu visiter. Ou du moins, l'album est sorti. Excellent. Ça me plaît. H Magnum, vas-y. T'es prêt à relever? Je suis prêt. Premier extrait, d'où vient ce son? Peut-être que dans un instant, ça va vous parler. Scalp. Ah oui, Scalp. Non, c'est trop facile pour moi. Je vous laisse jouer, les enfants. Arrête. Ça me plaisir. J'adore. Allez, petit indice, c'est un artiste, c'est même deux c'est artistes. C'est italien, ça? Non. Delia featuring Kaira. Enfin, j'espère que je bien. Kaira. J'espère que je prononce bien, ou Kaira. Ou... Kaira. Kaira. Et le morceau, c'est P. Arripi Devante, ou Devant. Alors, c'est soit roumain, soit italien. C'est roumain. Roumain, bravo, yeah. Un point pour Indila. Roumanie, en effet. Bravo. Le morceau de Kaira avec Delia. Kaira. Le titre, il est roumain, le titre. Peripi. Oui. Ça produit en fait, là-bas. La langue roumaine, c'est très très proche de la langue italienne. Vraiment. Non. Tu sais que je savais pas, moi. Et ben voilà, tu vois, on en apprend. Il fallait que je vienne dans Planète Rap pour le les préjugés. Bon, un point en tout cas, H. N'essaye pas de dissiper l'histoire. Ouais. Un point pour Yves. Deuxième extrait. Produit par Scalpovitch. Attention, hein, tu vas avoir des surprises. Hein. L'artiste, c'est Bednarek. C'est grec ? Non. On peut rester dans l'Est. Et polonais. Oh. Polonais. Ah, pas mal. Ah, mais tu joues avec qui, merde ? Hein ? Non, mais j'ai entendu un Dobré. Je connais ouais, quelques Dobré, mots. C'est là. Vrai. Dobré, c'est Dobré. Voilà. Tiens, c'est en effet Pologne, Bednarek, qu'on écoutait à l'instant. Très bien. Pas mal, donc on va dire que c'est non. Un point que tu peux offrir à qui tu veux y aller. Allez, offre-le à H. H. Non, non, ouais, je t'offre un point. Allez, un partout. Voilà. Ah, merci. Classe. Un partout. Attention, nouvel extrait. Ça a de la gratte, hein ? Ouais. J'adore, moi. Ah, ouais, a l'air lourd le son. Un bon niveau de prod. Une émotion, là, tout de suite. Et là, t'entends idem d'un seul coup. Des fois, t'es surpris. Attention. C'est russe. Mm-hmm. Allez, je vous aide avec le prénom. On parle de la Pologne. Mmh, ouais, ah non. À pied, tu le sentirais. Hein. Georgios Sabanis. Georgios. Georgios. C'est grec. Ben voilà. Ah, oui. Ah ouais. Non mais. Les bols, morceau. Je sais pas ça ce qu'il dit. Petit cover de Georgios Sabanis. Bon, 2-1 pour Indy là. Attention, là c'est le dernier extrait, donc on va dire que cet extrait remet les compteurs à zéro. Ouais. D'accord. Soit c'est pour H, soit c'est pour Indy là. Attention. Je me concentre. Concentré, dernier extrait, c'est ça. Espagne. Voilà, ça devrait vous aider selon les sonorités. C'est produit. Les balles. Ah, bah là, c'est Liban. Liban, bien sûr. Avec notre ami Naji El Osta. Oh, on reconnaît tout de suite la frappe libanaise. Ah ouais. Bien, bien, chez Fred, hein. Ah, moi, tu mets un son comme ça, ça me transcende, quoi. Là, C'est vrai, on sent heureux tout de suite, on a envie de taper des mains. Voilà, c'était Liban à l'instant, Liban. Donc le point, on va dire, avec ses égalités. Ouais, parce que, voilà. Exactement. Égalité entre. Ça nous va. Franchement, voilà, c'est la même équipe. Voilà, Indila qui nous a fait voyager, puisque eh ben, elle était classée à un moment parmi tous ces gens qu'on a pu entendre. Oui. Un coup t'étais devant, un coup t'étais derrière, voilà. C'est ça. On a visité un petit peu l'Europe, le Liban aussi. Exactement. Et la Grèce. Ah, on salue. Quel magnifique souvenir. Je salue tous les dreamers de toutes ces origines confondues. Les Turcs aussi, qu'on n'a pas cités dans ce jeu-là. Vrai. Voilà, qui sont juste extra. T'as visité toi tous les pays, tu y as été ou t'as juste. Tous ceux qu'on a cités, j'ai eu la chance d'y aller, ouais. Et de rencontrer les dreamers là-bas, c'était super. Et bah, continuez les dreamers de tout pays, envoyez des messages pour Indila avec le hashtag Indila sur Skyrock. On va mettre un petit son de l'album Mini World. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on s'était dit pourquoi pas Voyageons. Comme un bateau. Un peu comme un bateau. Très, très bien écrit. Très bien écrit. Gros morceau là. En plus, moi, non, mais je suis un ouf, moi. Je viens de dire que très, très bien écrit, Indy, là. Mais ça va de soi. Non, mais je suis un ouf. Excuse-moi, je viens de faire une dinguerie, là. J'arrive, c'est un petit craquage. Tu vois, en vérité, je l'ai payé en cash. C'est pour ça qu'il dit tout ça. Oui, c'est vrai. Allez, on écoute le morceau Comme un bateau, c'est extrait de Mini World. L'album est en précommande, la réédition de l'album d'Indy, là. C'est parti. Maman dit que malgré les épreuves, il faut continuer. comme un bâtard. À flot et je rame, rame, rame, rame, je rame sur les eaux et je rame, rame, rame, rame. Un peu comme un bateau, j'avance face à la mer, je navigue sur les flots. Un peu comme un bateau, j'avance et je suis fière de ce que porte mon dos. Un peu comme un bateau qui trouve son équilibre. Avec Indila et ce morceau comme un bateau sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il y a à Schwing dans ma talk? Franchement, voilà. Est-ce que je peux raconter un peu? Beer. La s'il comparaison. Tu vois la comparaison de la. Tu vois, j'avance un peu comme un bateau qui trouve son équilibre entre les vagues et le chaos. T'imagines, tu vois, on court dans la vie, on est tiraillé de partout, mais on est obligé d'avancer les épreuves, tu vois. Mais c'est trop lourd de. Mais j'ai vu que t'étais en pleine concentration sur ouais, le son. Tu vois, c'est ça le son, c'est ça. Faut vraiment rentrer dans le truc, voir ce que la personne veut dire. C'est pour tous les petits jeunes, tous ceux qui se lancent dans la musique. Ouais. C'est comme ça qu'il faut écouter la musique. Et puis vous êtes un bel exemple, en tout cas tous les deux, qu'il faut prendre son temps aussi dans la musique. Ouais, parce ouais, que ouais, faut prendre son temps. Toi, ça a pris du temps, on l'a dit là pour le Sentier Mini World. J'en suis témoin. J'en suis témoin, où je sais que t'enregistrais, et puis voilà, et puis il fallait être là au bon moment, et Schmagnum. Ouais, moi je me dis que ça peut être 2015, ça peut être son année aussi. Ah, ça doit être son année. En tout cas, j'ai travaillé pour et ça me fait plaisir que, en tout cas, la sœur me survalide. Et ben, on écoutera d'ailleurs ton morceau dans un instant qui s'appelle Idem. T'es venu avec une surprise et puis il y a du live aussi ce soir dans l'émission. Exactement. Bref, c'est chargé, bougez c'est pas. Chargé. On revient, il y aura un petit son et on revient après ça. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Indila, Mini World, la réédition de l'album. On peut précommander dès maintenant pour le récupérer avec des titres inédits. Alors il y a une surprise qu'on va vous passer dans un instant. C'est ça. Ça a été honteusement découpé par Scalp. Ah non, il ne faut pas dire ça. C'est le max que j'ai. Que je puisse on a, faire. Allez, grosso modo, c'est quoi, une 40 que tu nous as mis de côté? Une carotte. Ouais. Une carotte. Non, j'ai dit une carotte. Voilà. C'est ça en plus, c'est la carotte. La carotte de Skalpovitch ce soir. Une petite. elle est pas mal quand même. 1 minute 40, c'est, alors c'est un morceau qui sera sur la réédition ou c'est encore autre chose? Non, du tout. Du tout, oui. Ouais. C'est, oui, pour aujourd'hui, alors ce qu'on va faire, c'est que on va vous faire découvrir en exclusivité, chers Dreamers. Je vais partager avec vous cette belle surprise que j'ai eue, moi, quand j'ai appris que Charles Aznavour, le grand Charles Aznavour, m'avait écrit un texte afin que je l'habille de ma mélodie et que Skalpovitch l'habille de sa production. Donc j'ai été super super. Mais t'étais pas au courant qu'il ait fait un texte À la base non. Un jour on t'appelle, on dit tiens Charles Aznavour, il a fait un texte pour toi. Voilà, c'est à travers ça, c'est sa compile, c'est ça. Exactement, c'est une compilation qui va voir le jour incessamment sous peu. C'est, je sais plus, c'est prévu le Aznavour et sa jeunesse. Aznavour et sa jeunesse. Exactement. Ouais. Et en fait, il a eu plein de coups de cœur pour plein de gens. Oui. Qui vont être réunis sur un album et c'est des textes à lui, hein, c'est ça? Alors, les personnes qui sont invitées, les autres artistes. Ouais, c'est des reprises. Oui. Des reprises. Voilà, tout le projet, il s'agit de reprises pour tous les tracks. Et ils ont fait une exception avec Indila, donc on peut que le prendre comme un méga compliment et c'était vraiment un honneur de travailler dessus, quoi. Oui, et beaucoup de pression en plus. Bah, Charles Aznavour, c'est quand même le papa de la musique. Ah, bah, c'est clair que, en plus, qu'il a écrit, le mec. Plongez-vous. Alors, je dis ça, c'est vrai qu'il y a certains qui vont peut-être découvrir Charles Aznavour, peut-être maintenant, mais peut-être par les parents, les grands-parents. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a traversé les générations. Et qui a laissé des traces. Parmi nous encore longtemps. Et qu'on a oublié, surtout des textes parfois très engagés par rapport à l'époque du temps. Il a écrit des sacrées choses, en tout cas, ce grand monsieur de la musique qui avait partagé le micro aussi avec Kerry James, on se souvient. Hein, pour ceux qui sont venus à l'ombre du show business, qui était un morceau juste incroyable. Magnifique, je m'en souviens encore. Et donc, on a 1:40 de ce morceau. C'est ça. Inédit qu'on va découvrir dans quelques minutes. Extrêmement lourd, le morceau. Tu l'as écouté, toi? Ouais. Ah, toi, t'es mec mastonnette. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que. On n'est pas tous pareils. Merci pour cette précision. Tiens, Schmagnon, on va s'occuper de ton cas maintenant. Avant de passer l'extrait, est-ce qu'on mettrait pas le petit idem? Ouais, le petit. Signé Skalpovitch. Ouais. Gros morceau où tu chantes d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il y a laissé une partie de son âme dans ce morceau, tellement c'est beau. Ouais, je me suis donné. Et au fait, avec Skalpo, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a donné le déclic, tu vois. Il m'a. Travaillé avec Scalp, il m'a forcé à aller plus loin. À dire tu sais faire ça, fais-le. Parce que c'est des choses que j'ai en moi et je garde. Tu vois, exactement. Et tu sais faire. Puis bon, il faut le mettre bien à Chant Studio. Ouais, tu mets des rideaux, tu l'isoles, tu fermes la lumière, une petite couette et un micro. Et bah, le résultat, ça donne idem. Ça donne idem. Allez, on l'écoute maintenant. C'est le premier extrait de Gotham City. Magnifique. Oh mes frères. Qui m'avait délaissé, je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane, et je pense que c'est idem. Seul sur mon divan, je vous souhaite que du bien, laisse la médisance, car je crains le divin. C'est vous qui me disiez que les gens deviennent aigris, bizarres, se déguisent quand le temps se compte en devises. Je vous laisse passer devant, laissez-moi du blin, je rame, ça fait 10 ans, je n'ai pas besoin du plein, à chaque fleur sa saison, ce que m'en dit. Je lisais, la lune sans la fusée. On voit les vrais visages quand la lumière s'éteint. Moi qui étais sûr qu'on était soudés à l'éteint. C'est au pied du mur que l'amitié t'éteint. Et que l'amour décède. Je pense que j'ai compris, je ne ferai pas de dessin. Certes, c'est qu'on vit dans le cauchemar des seins. Seul dans mon lit, mes soucis, mes coussins me soutiennent à couper. Oh mes frères, qui m'avaient délaissé. J'en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Oh mes soeurs, qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Et je pense que c'est idem. Je suis loin d'être un savant, mais ça je le savais. Je rate souvent le vent, j'espère être sauvé. Aveuglé par l'argent, on flippe, c'est la crise. On mise, la musique brise même nos mifs. Si je prends la fuite, on me traitera de loser. Y'a que dans le sale que je sais faire de l'oseille. Un jour un frère m'a dit, réveille-toi, c'est la vie. T'es moins à plaindre que ceux qui dorment sur le parvis. Je vis comme un mort, j'espère mourir en bonne âme. Je ris de moins en moins car j'ai perdu mon binôme. Les dégâts du bise, c'est ma tour de pise. Que je mise, figé, j'observe la rive. On me dévisage comme un putain d'arrivant. Je vois deux visages quand le putain arrive. Je suis devenu ça. mes frères qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Oh mes sœurs qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Et je pense que c'est idem. Et je pense que c'est idem. H Magnum avec Idem, c'est le premier extrait de Gotham City, prévu, je pense, 2015, l'album. Ah, il est encore en train de dealer la sortie, c'est même pas, il est là en train de dire, ouais, 2015. Non, je disais plutôt 2015, ouais, Gotham 2015, City. Gotham City, et sincèrement, c'est... Scalp voilà. Dessus, sur l'album entièrement. Écoute, je réalise quasiment tout le projet, hein, au final. Ouais, il y a Scalp qui se partage. Et puis, il y a des bonnes prods de Stan que j'ai entendu, qui est très lourd. Jeune compositeur qui fait du lourd aussi. Puis voilà, on s'est fait plaisir, et là, on est dans la période des mix. Voilà, donc ça va arriver. Ça a bien avancé. Ouais. Je suppose qu'il n'y aura pas non plus que des morceaux comme Idem, il y aura aussi d'autres morceaux plus rappés. Il y aura différentes choses. C'est ça la liberté artistique. C'est très divers. Hein. Moi, je ressouligne encore, j'ai eu la chance d'écouter les chansons d'H Magnum, et c'est vraiment très, très divers. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et bon, on suivra ça pour 2015, Gotham City. Le premier extrait, allez cliquer, allez mater le clip d'Idem à l'instant de H Magnum avec nous dans le Planète Rap d'Indila. C'est ton cadeau ce soir pour tout le monde avec H Magnum. Oui. Autre cadeau, on vous le passe dans un instant. On a une 40 d'un morceau totalement inédit, écrit par Monsieur Charles Aznavour dans quelques minutes. Du live, bougez pas. Et par téléphone, nous sommes avec Mourad de Bordeaux. Salut Mourad. Ouais, salut. Ça va bien Mourad? Bon, quoi, l'équipe. En pleine faire, forme, hein. Je te présente Indila, H Magnum, Skalpovic. Ouais, on connaît. Salut Mourad. Ouais. Est-ce que tu es prêt à rapper Mourad? Ouais, on va faire un petit truc a cappella. Eh ben on y va mon pote a cappella. C'est parti, allez. T'as une 30 pour tout défoncer. Yo, mon URAD, check, yeah. Une peine par jour, je sais plus à qui m'en remettre. Frère, où il est le remède, qu'à la nousette, c'est ce que je me dis. Triste échec pour un mec qui rêve du paradis. Ce que je suis, un parasite depuis qu'on baratine. Lourde sur nos paupières, des larmes coulent sur nos papiers. Crois pas que je joue le poète, je suis reflet d'un homme honnête. Je craque aussi pour la monnaie. Une incohérence qui fait que la poste me colonnait. Je crois que l'armée, le colonel, tellement tapé de l'œil que j'ai perdu le sommeil. Dans ma life, y'a pas de sommaire, c'est la merde chaque semaine. Comme celle qui a sous nos semaines. Le trouble, je peux pas le semer, j'ai mal, mais je veux le quemer. Fort à l'extérieur, mort à l'intérieur. Ma vie, c'est ma femme et ma famille. Regarde nos cœurs briller. Des coups durs, frère, on en a tous pris. Certains s'en sortent, mais grâce à Dieu, je dis amen. J'ai jamais la larme à l'œil. Pourtant, j'ai tant de peine. Je l'admets, j'ai la mandeuil. Et tout le temps, mon cœur saigne. Check. Ok Mourad à l'instant. Écoute, carré, efficace, merci à toi Mourad. Très très lourd Mourad. Yes. Je peux faire une petite dédicace. Vas-y, on t'écoute, ouais, bien sûr. Dédicace à tous les Bordelais, à Dams, sur la Testanem. Et voilà, pour tous ceux qui veulent me retrouver sur Facebook, Mourad Tehsah, M-O-U-R-A-D, plus loin, T-H-S-A-H. T-H-S-A-H, c'est ça. Voilà. H. Ah ouais, ok, merci Mourad pour la précision. Aïe. Et ben merci à toi, passe une bonne soirée. Salut, on est avec Indila sur Skyrock avec H Magnum, et je crois qu'il est temps maintenant de balancer donc ce morceau qui sortira sur le projet de Charles Aznavour avec la jeunesse de Charles Aznavour. Oui, qui reprennent ses morceaux. Absolument. Et ça, c'est un titre inédit, donc il a écrit. Hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment inédit. Et j'avais beaucoup de pression au moment où je l'ai fait, parce que je voulais surtout pas décevoir Charles Aznavour, parce que bon, il fait partie de l'histoire, et puis c'est surtout un très beau présent qu'il m'offre. Je voulais honorer de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur, son cadeau. Et donc voilà, j'avais beaucoup de pression au départ, et puis finalement, j'étais contente avec Skalpovic. Je pense qu'on était plutôt ravis, lui et moi, parce qu'on s'est dit bon, je crois qu'on n'a pas trop, on a peut-être pas trop à rougir de ce qu'on a fait. Et puis maintenant, bon, tu l'as eu, vous l'avez eu en ligne après l'enregistrement. J'ai pas eu cette chance malheureusement de le rencontrer, mais Indila pour la rencontre et échanger par rapport au texte, l'a vu. Voilà. Et puis j'espère qu'il se remet bien parce qu'il a eu quelques soucis de santé apparemment. Ah, c'est jeune le garçon, hein, on en prie, mais en tout cas, on lui souhaite de continuer plus longtemps. Oui. Et c'est vrai que c'est un mec qui lâche pas la scène. Hein. C'est vrai que c'est fou. Incroyable. Tu dis, le gars est toujours sur scène, on met un tabouret, il chante. C'est excellent, mais c'est juste admirable. Ouais. C'est un très beau C'est incroyable. Oui. Allez, on écoute cet extrait. Ok. Exclu total, apporté par Ingila Skalpovic. Le morceau qui s'appelle Mon fol amour. Mon fol amour. Très lourd. Ensemble nous avons connu, vécu des jours heureux. Le moment est venu de se dire un dernier adieu. Sans une larme qui tombe, sans détourner les yeux. Toi mon fol amour, amour, amour, amour mon fol amour, amour, amour. Toi mon fol amour, amour. Je garderai jusqu'à l'ultime souffle de ma vie un souvenir de nous, d'un passé tendre et de folie. Comme dans un jardin secret, hanté de nostalgie. Mon fol amour, mon fol amour. Ici ou là, tant d'aventures, on se rencontrera. Ayant refait nos vies dans d'autres bras, je revivrai les moments forts d'un passé mort. Sans toi, mon fol amour, amour, amour, amour, mon fol amour, amour, amour. Toi, mon fol amour, amour, amour. Et toi, mon fol amour, amour, amour. Voilà, exclu total, mon fol amour qui sortira sur le projet de Charles Aznavour. C'est bien parti en tout cas. On a envie d'en écouter un petit peu plus. Merci, c'est encourageant. Dites-nous d'ailleurs réaction avec le hashtag Indila sur Skyrock, donc un son signé Skalpovic, un texte signé Charles Aznavour et la voix d'Indila. Et une mélodie, voilà, une mélodie. La Dream Team. Ah, la Dream Team, quoi. Les mecs t'envoient du rêve direct. Voilà, tu vois. Même pas besoin de bière, tu peux rien rajouter. Tu peux rien dire. Ah bien, tu dis bière. Mais moi je connais tout. C'est viral ce truc. Hein. J'entendais Blacky me dire bière. Bière, ouais. C'est donner du rêve. Voilà, ouais. Bien. Mais là, c'est vrai qu'avec les trois noms, t'as même pas besoin. T'as même pas besoin. C'est la bière tout seul. Le truc saute au bière en fait. Voilà. Le morceau Mon fol amour donc qui sortira prochainement. Merci pour cette jolie exclue. De rien, c'était un plaisir de partager ça avec vous et puis à Skyrock aussi. On aurait pu en mettre un peu plus, mais bon. Des mecs comme ça qui veulent rien lâcher. Hein. Allez, tu veux, j'ai un 3.30 d'un gros track qu'on a avec H. En attendant le prochain 40. Hein, non. Non. Tranquille, on laisse ça. Bon, allez, plongeons-nous sur Mini World. Qu'est-ce qu'on met de Mini World, Indila? Alors on va avant le live, parce qu'il y a un gros live acoustique qui arrive dans quelques minutes. Oui, il y a un live acoustique. Et puis là, je pensais peut-être à Ego. Je pense que ça pourrait être bien. Eh ben, c'est une bonne idée. Très bien. On y va. C'est extrait de l'album Mini World sur Skyrock. C'est parti. Libère ton esprit, écoute chanter le monde. fatalité. Libérés, libérons-nous de nous-mêmes. Pourquoi souffrir lorsqu'on peut s'aimer? Brisez-les, brisez-les, brisez toutes les chaînes. Vivre libre et n'être que soi. Le seul combat auquel je crois, c'est contre moi, moi, moi, moi, moi. Libère ton esprit, écoute chanter le monde. C'est extrait de l'album Mini World et le morceau qui s'appelle Ego à l'instant sur Skyrock Indila. Oui, Ego qui, pour rappel, vraiment est une chanson qui est là pour souligner et mettre en avant le fait que l'ennemi ce n'est pas l'autre, l'ennemi c'est soi-même. On est notre propre ennemi. Faut être plus fort que nos doutes, faut être plus fort que notre orgueil, faut s'élever. Voilà, c'est pas l'autre, l'ennemi c'est soi. Bon, et là, l'ego, comment se porte l'ego d'Indila? Bah, pour l'instant, j'essaye de le garder tout petit. C'est pas évident, hein, mais j'essaye. Surtout avec le succès. Hein. Voilà, c'est. Attends, c'est moi, je me la pèterais, franchement, 600 000 albums vendus. Ouais. Hein, H? Ouais, on attend les 600 000 de Gotham City. Laisse tomber. Non, mais on a été à bonne école, donc ça va, franchement. Bon, il y a une autre école maintenant, c'est l'école du live. Indila, si tu es prêt, tu viens. Alors, présente-nous les musiciens, les gens qui sont autour de toi. Il y a Skalpovic, évidemment. Voilà, donc il y a Skalpovic. Il y a bien entendu Tommy Jeeves qui est derrière, juste là. Voilà, qui s'assure que tout se passe bien, qui est un super compositeur, pianiste, etc. Et j'en passe. Il y a aussi Greg. Qui est aussi le deuxième guitariste avec lequel j'ai la chance de pouvoir un petit peu tourner. Il y a Mendiana et Greg qui me. Ce soir, c'est Greg. Greg, ce soir. Approchez-vous, c'est l'heure du live. Prête, Indila? Oui. Allez, on y va, on attaque le live maintenant et la roulette juste après, 41-759 pour les inscriptions. J'ai tout quitté, mais ne m'en veux pas. Fallait que je m'en aille, je n'étais plus moi. Je suis tombée tellement bas que plus personne ne me voit. J'ai sombré dans l'anonymat, combattu le vide et le froid, j'aimerais revenir, je n'y arrive pas, j'aimerais revenir. Je suis un, je suis personne, j'ai toute ma peine comme royaume, une seule larme m'emprisonne. Voir la lumière entre les barreaux et regarder comme le ciel est beau, entends-tu ma voix qui résonne? Silence, tu la souffrance et loi. L'entends-tu? Est-ce que tu le vois? Il te prend et fait de toi un objet sans. Alors j'ai crié, j'ai pensé à toi. J'ai noyé le ciel dans les vagues, tous mes regrets, toute mon histoire, je la refais. Yeah, yeah. Je suis un, je suis personne, j'ai toute ma peine comme royaume, une seule larme m'emprisonne. Ah, voir la lumière entre les barreaux et regarder comme le ciel est beau. Entends-tu ma voix qui résonne? Là, à l'instant, en live, on était porté avec H Magnum, on était loin. On était parti là sur le SOS à l'instant en live, on était loin, très loin. Merci, merci aux musiciens qui t'accompagnent aussi, Indila. À l'instant. Merci à Greg, merci à vous tous, c'était un super plaisir. Et ben, ça continuera toute la semaine. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. Avec Kayana de Cormeilles en Parisie, ça va bien, Kayana? Ouais, ça va encore. Bah écoute, on est bien, on est détendu, on est posé, Kayana. Ah, posé, on est posé là. Et toi aussi, tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Vas-y, on est là, on est allez, là. Dès que tu veux, tu dis stop la tournée de Black M. Crie avec moi, toi. Crie avec moi, les gars. Ah ouais, avec le kit derrière là. Je la fais tourner, je la fais tourner. Ouais, tu fais tourner, tu fais tourner, Kayana. Vous crie avec moi, quoi, les gars. Mais t'es où, Kayana? T'es où, Kayana, là? Je suis un poteau là. Ah, chez un poteau. Et ben voilà, avec le poteau, direction le concert de Black M. Deux places pour Black M. Easy. La tournée simple, easy, c'est pour vous. Très chanceux, le gars. Très chanceux. Dédicace. Bien sûr, Kayana, une grosse dédicace même. Vas-y, une grosse dédicace à la clique de Vesti. Ouais. À mon poteau Omar. à ma petite femme qui est chez elle, qui doit écouter, je pense. On va se faire une soirée entre mecs, t'inquiète voilà, pas. Voilà. Et aux gens du cheval, là, t'inquiète pas, tout va bien. Aux gens du cheval, j'écoute là, les crocops, tout ça. Là. Ah ouais, voilà. Et bonne soirée à vous et merci encore. Et bah, toi aussi, Kayana. Je pense que la soirée a bien débuté chez Kayana et son pote. Ah, là, ils merci Kayana. Et juste un truc, t'as du soleil dans la voix, j'adore. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, il nous a fait grand plaisir. Oui. Merci Indila pour cette soirée. Merci H Magnum. Merci à toi. Merci H de m'avoir fait l'honneur de venir. Ah, t'as dégainé avant moi. Merci à toi. C'est vrai, comme toi, t'es un peu plus tranquille. Donc, ouais, tu vois. Indila était déjà parti, quoi. Mais attention, c'est le lièvre et la tortue. Méfiez-vous. Non. Ça, de toute façon, je me méfie toujours. Voilà. Non, merci en tout cas. On attend l'album Gotham City 2015. Et voilà. Puis en attendant, il y a Idem qu'on peut cliquer, recliquer. Magnifique chanson, magnifique. J'encourage tout le monde à aller l'écouter encore et réécouter. Écoutez le texte, s'il vous plaît. Merci Skalpovic, merci aux musiciens, merci à tout le monde. Indila de retour demain. Oui, avec juste grand avant 20h. Et ben on continue le Planète Rap. Ciao ciao, c'est l'heure de retrouver D-Fool et toute l'équipe maintenant. Et ouais, on est là. Salut Indila, salut Fredo. Le retour demain 20h-21h pour Planète Rap et la grosse soirée qui démarre avec Wiz Khalifa qui débarque dans l'émission. Ouais. Wiz Khalifa qu'on va retrouver ce soir. Vous tous en direct dès maintenant. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20 si vous voulez passer dans l'émission. Et toute l'équipe chaude. Ouais, bouillant. Oh là là, même Momo. Et un but pour le PSG. Oui, c'est ça, Momo. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Bouille donc. Cavani a ouvert le score. Ouvert le score 1-0 pour le PSG face à la Poel Nicosie. Ah oui, ça a vite démarré. Hein. Là, on est connecté, vous entendez le match derrière moi. Au match. On est connecté, on suit ça, on suit tous les autres matchs et on vous attend. Tiens, dis donc. En direct. Ouais. C'est Canal Plus. Ouais. C'est parti sur Skyrock et on démarre avec Iggy Azalea et Black Widow. 1500 euros.